que je sois chrétien, vivre mon christianisme, c'est un droit pour moi. C'est pas de la tolérance, c'est un droit. Et toi, c'est ton devoir. Il n'y a même pas de discuter si tu tolères ou tu tolères pas. Dieu, il t'a pas dit je tolère le chrétien. Non. Toi, tu tolères rien du tout, toi. Dieu a voulu qu'il y ait un chrétien, c'est un droit et c'est ton devoir de le reconnaître. Il n'y a pas de tolérance, là. Tolérer, ça veut dire je souffre ta présence. Non, c'est son droit et c'est ton devoir.